de fonctionnement, 10 principes de foi, qui sont des déclarations que Dieu nous a mis à cœur d'écrire il y a, on dit 10 ans, mais c'est un peu plus, là. 10 ans, le processus commençait. C'est en 2001 que tout a commencé, plus particulièrement. On l'a dit de différentes manières. J'ai entendu presque tous les enseignements. J'ai entendu les derniers, celui d'Omar, j'ai entendu une partie. J'ai pas eu l'occasion d'entendre au complet. Mais je pense que j'ai saisi un peu son cœur dès le départ dans ce qu'il vous a communiqué. Juste en rephrasant un peu le principe. Et Omar, lui, c'était le fruit de notre ministère. C'est la maturité spirituelle. C'est un peu ça qu'il avait enseigné, ce principe-là. Christian, la semaine passée, Christian, c'était la croissance spirituelle. Benoît, c'était le ministère envers les frères. Et Jean-Claude avait apporté le service, le fruit de notre ministère, c'est un service qu'on rend avec sacrifice. Peut-être qu'il y en a qui m'échappent en cours de route, là. Mais bref, on les a vus plus ou moins dans l'ordre. Là, ce que je vous dis aujourd'hui, celui qu'on va prendre, c'est le troisième en liste. Mais c'est pas comme si, à ce point-ci, il y a un ordre inchangeable, là. L'important, c'est ce qui est scellé dans ces déclarations-là. Et qu'est-ce que Dieu, dans le fond, nous a mis à cœur? Et comment est-ce qu'on comprend la volonté de Dieu à travers ces principes-là que je vais vous lire premièrement, en guise d'introduction? Pas les principes, mais ce qui est juste avant, il y a une explication de ces principes-là. C'est-à-dire les principes de fonctionnement et le comportement ci-dessous découlent de la vision, puis là-bas, sont appuyés sur la parole de Dieu. Okay? Ça, c'est important. Si ce qu'on déclare, on ne peut pas l'appuyer sur la parole de Dieu, ben on s'est donné une autre Bible. Là, c'est pas. C'est une déclaration, c'est des énoncés qui sont fondés, appuyés sur la parole de Dieu. C'est ça. On fait ça tout le temps dans notre vie. T'sais. On se parle entre nous, on se déclare des choses, mais appuyés sur la parole de Dieu. J'espère. Sont appuyés sur la parole de Dieu, visent au perfectionnement des saints. Ça, c'est un aspect que Omar avait touché. Mais en même temps, tout vise au perfectionnement des saints. Tout. Et servent à l'évaluation continue de l'efficacité de tous les efforts vers l'accomplissement de la mission de l'Église que Dieu nous a donnée. OK? Donc, c'est ça qui... Mais le point que je vais faire sortir à ce point-ci, c'est que c'est appuyé sur la parole de Dieu. Je vais vous dire tel qu'il est écrit le troisième principe. Et ensuite, ce que je vais faire, ce que j'aimerais faire, par la grâce de Dieu, j'ai besoin de toute la force que Dieu me donne ce matin, toute sa sagesse. La première partie, j'aimerais définir quelques mots, parce qu'on choisit des mots. Ensuite, j'aimerais ça coller, appuyer sur la parole de Dieu, ce qu'on déclare. Puis ensuite, j'aime ça regarder notre expérience, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est un peu ça, c'est là où je m'enligne, OK? Dans les grandes lignes. Alors maintenant, le troisième principe dit, le futur de notre ministère est basé sur des buts dictés par la Bible, intentionnels et dignes d'un grand Dieu. Par une relation intime avec Dieu, nous cherchons à voir où Dieu est déjà actif et à ajuster nos ministères en conséquence. Je vais lire les versets qui sont là, quand même, dans ces Jean 5, 17 et 19. On va lire 17 à 19 dans Jean chapitre 5. C'est Jésus qui parle, c'est écrit. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Et verset 19. Jésus leur répondit donc, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. » OK? Ni plus ni moins, Jésus il dit, ce que le Père fait, je le fais aussi. Je fais que ce que le Père fait et que ce que le Père me dit de faire. C'est tout. Jean 12, 26, c'est l'autre passage qu'on a mis. Remarquez que c'est sujet à ajout et à modification, mais reste que la vérité est là. Jésus dit, je vais lire à partir de 25, d'accord? Celui qui aime sa vie la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je n'ai vraiment rien à expliquer là, je pense que c'est assez clair. À ce point-ci, en tout cas. Si quelqu'un sert Jésus, Jésus dit bien, qu'il me suive. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On croit ce que Jésus dit. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout avec ce que Jésus vient de dire là? Parce que c'est là que ça vient nous rejoindre très concrètement. Est-ce que je suis prêt vraiment à te suivre? Peu importe. Parce que je déclare te servir, Seigneur. Je fais cette déclaration-là. Je l'ai fait il y a longtemps. Je l'ai fait occasionnellement, je la refais. Mais c'est l'engagement initial que j'ai pris à ton égard. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. OK? Donc, quand on résume ce point-là en disant le futur de notre ministère est basé sur des buts dictés par la Bible, il y a trois points là-dedans, OK? Je me posais d'y réfléchir. C'est des buts dictés par la Bible, des buts intentionnels et des buts dignes d'un grand Dieu. Je vais prendre quelques instants pour définir, parce que depuis le début, on parle de notre ministère est ceci, notre ministère, c'est le processus de notre ministère. C'est quoi notre ministère, dans le fond? OK? Est-ce que c'est quelque chose qui se dissocie de nous, qui est en dehors de nous? Parce qu'il faut se poser la question, on parle du ministère. Ministère. Si c'est quelque chose qui est en dehors de nous, ben c'est quelque chose que je regarde passer devant moi, auquel je veux me joindre. Mais si on comprend que notre ministère, c'est notre service pour Christ, comme il le veut, tel qu'il le veut, puis quand il le veut, autrement dit, si notre Christian a cité Romains 12, 1 et 2, je pense, oui, la semaine passée, ça a été cité en cours de route, et Romains 12, 1 et 2, le Seigneur dit, « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, les bien-aimés, un culte raisonnable. » D'accord? Donc, si on est d'accord que notre ministère, c'est le service pour Christ, c'est le service de notre vie pour Christ, comme il le veut, au moment où il le veut, et de la manière qu'il le veut, mais là, on vient de résumer, dans mes mots en tout cas, là, qu'est-ce que c'est le ministère? Et ça implique tout ce que Jésus dit, là. Fait que notre ministère, le futur de notre ministère, le futur, c'est l'avenir, ce qui vient, ce vers quoi on tend. Le futur de notre ministère est basé sur des buts dictés par la Bible. J'aimerais arrêter un instant pour juste définir c'est quoi le mot « but », OK? C'est quoi un but? C'est quoi un but? Hein? Un objectif? Chose qu'on veut atteindre, ce à quoi on veut parvenir, ça peut être aussi la cible qu'on vise. Okay? C'est la cible qu'on vise. Ça, c'est le but. Mais ce n'est pas n'importe quel but. Ce qu'on déclare là-dedans, dans cette affirmation-là, on dit notre service, l'avenir de notre service est fondé sur des buts dictés par la Bible. OK? Puis c'est important le mot dicté. Il est choisi. Je crois qu'il est vraiment bien choisi. Parce que c'est pas juste une source d'inspiration, bien que ça en est toute une. C'est aussi une source de déclaration que Dieu donne dans la parole. C'est ça des buts dictés par la Bible. Donc la parole de Dieu, Dieu dit les choses. Nos buts s'attachent à ce qu'il dit. Ça, c'est notre but. Avez-vous un but en tête auquel vous pouvez penser que Dieu déclare? Un des buts qui vient en tête comme ça. OK. Soyez saints car je suis saint. OK, c'est un début. Est-ce qu'il y a un but auquel vous pensez encore? Ou des déclarations que Dieu donne? Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est pas un but? C'est un but, ça. Vas-y, d'accord. Je pense que ça pas. Voilà. Exactement. Donc, puis Johan pose la question, est-ce qu'une déclaration et un commandement, c'est la même chose? Bien, c'est, quand Dieu parle, là, c'est assez proche, une déclaration et un commandement, tu sais. Il déclare qui il est, puis ça implique quelque chose de notre part, tu sais, dans ce sens-là. OK? Fait que, Éphésiens chapitre 1, effectivement, comme Jean-Claude soulève, le but de Dieu, mais avant d'aller à Éphésiens 1 Corinthiens 15, le Seigneur déclare que la finalité de toute chose, c'est que Dieu soit tout en tous. Ça, c'est la finalité. Dieu soit tout et en tous. On s'en sort pas. C'est vraiment ça. Donc, l'avenir de notre service, le futur de notre ministère est basé sur des buts dictés par la Bible. Dieu déclare des choses, c'est ce à quoi on veut s'attacher. Ça devient le but de notre vie. OK? Puis je vais vous donner quelques exemples, moi un passage en particulier tantôt qui m'a saisi. Des buts dictés par la Bible qui sont intentionnels. Donc, intentionnel, c'est que premièrement, c'est quelque chose qui est voulu, qui est décidé, qui est volontaire. OK? C'est pas quelque chose qui est aléatoire, c'est fondé sur ce que Dieu déclare, où on fait un pas décidé, délibéré. Et un aspect d'intentionnel qu'on veut ajouter là, donc c'est des buts intentionnels, et si j'y réfléchis, nous y avons réfléchi ensemble, suite à ce que le Seigneur déclare, bien, il y a une notion où on va persévérer là-dedans. Parce que il y a une intention dans notre cœur, il y a un pas qui a été fait, puis il y a un Seigneur qu'on suit. Jésus, il dit, lui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. N'est-ce pas? Où est-ce qu'il avait les yeux fixés? Où Moïse avait-il les yeux fixés? Sur la rémunération? Où est-ce que Abraham avait les yeux fixés? Sur la rémunération. Et puis là, mes frères bien-aimés qui sont plus jeunes, ils vont me dire que, parce que j'ai eu un échange avec un frère, on se parlait, Sam, cette semaine, tu sais, puis on se disait, dans le fond, l'éternité, c'est comme loin un peu, tu sais. C'est vrai. Puis il y a une implication bien concrète sur aujourd'hui, sur l'éternité, dans nos choix. Sauf que nos choix, ils sont en vue quand même de l'éternité. Dieu, quand il vient, en fait, quand Jésus-Christ vient, c'est en vue de l'éternité. Bien que c'est très concret. On l'a déjà dit en chemin, ce qu'on vit déjà en ce moment, c'est un terrain de pratique pour le retour du Seigneur. OK? Donc, intentionnel et digne d'un grand Dieu. Des buts qui sont dignes d'un grand Dieu, que lui a dicté, qu'on a pris, qu'on dit, OK, on le fait, Seigneur, parce que tu es digne, parce que Jésus-Christ, le Seigneur, il en vaut la peine. Si le Seigneur n'en vaut pas la peine, et que les buts, je vais dire qu'on se fixe, là, c'est parce que le Seigneur nous donne vraiment de les regarder à sa lumière, là, ils sont pas dictés par le Seigneur, ils sont pas intentionnels, ils sont pas dignes de lui. Dignes de lui, ça veut dire que ça glorifie le Seigneur, ça veut dire que nous sommes prêts à payer le prix complet du sacrifice, comme Jean-Claude l'avait apporté. Ça veut dire qu'on a en vue, comme Christian l'avait apporté, la croissance spirituelle, et il a donné le synonyme de la croissance spirituelle. Et qu'est-ce qu'on veut? Moi, ce que je ressens, en tout cas, de ce qu'il a dit, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est ça, dans le fond, qu'on parle de croissance spirituelle. Et on m'a insisté un peu sur l'aspect de « nous sommes l'épouse de Christ ». On n'est pas dissocié de cette maturité spirituelle-là, tu sais. OK? J'espère que, je ne sais pas si je vous perds ou à ce point-ci ou pas. Donc, l'avenir de notre ministère est basé sur des buts dictés par la Bible, intentionnels et dignes d'un grand Dieu. Si on est d'accord avec la déclaration qu'on fait, là, on va aller regarder pour l'appuyer sur les Écritures plus particulièrement. Bon, on l'a fait déjà en chemin, là, mais je veux quand même m'arrêter sur Philippiens au chapitre 3. J'aimerais ça lire de 4 à 17. C'est un peu long, mais ça vaut la peine de s'arrêter parce qu'il y a quand même quelque chose qui est communiqué là-dedans. Et je vais attirer votre attention sur quelques paroles en particulier dans Philippiens 3. Et c'est notre frère bien-aimé, Paul, que Dieu a poussé à écrire par son esprit. Et il dit, « Moi aussi, cependant, » au chapitre 3, verset 4 de Philippiens, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Ok? Parce qu'il y en a qui se glorifient de ce qu'ils sont. Capable. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et la suite, Christian l'avait cité la semaine passée, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes, parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. OK? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare ici à travers Paul? Bien, premièrement, il y a un contraste radical entre un avant et un après. Mais pas juste entre un avant et un après, c'est pas assez précis, ça. C'est entre ce à quoi j'attachais de la valeur avant et ce à quoi j'attache de la valeur maintenant. Vous pouvez le dire encore mieux que moi. Et si vous l'avez encore mieux que moi, dites-le, gênez-vous pas. Mais il y a ça ici qui est tranchant. OK? Ce qui faisait pour lui sa justice, sa valeur, ses points de référence qui faisaient de lui quelqu'un, à ses yeux et aux yeux des hommes, ont perdu leur sens. Ils ont perdu toute notion de valeur. Ça ne vaut plus rien. Mais ça, c'est fun de dire ça, mais il faut savoir pourquoi, parce que c'est la même chose pour nous. Et ça ne change pas. Le pourquoi quelque chose perd de la valeur, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui prend une plus grande valeur. Et ici, cette chose-là, c'est quelqu'un. Il dit, je ne sais pas ce qu'est le verset, je n'ai pas les versets, je l'ai en paragraphe sur ma feuille, là, mais il dit, « Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Verset 7. On meurt dans son introduction, que j'ai entendue, au moins. Il dit, moi ce que j'ai à cœur, je vais vous rephraser ça, ce principe-là, on meurt, il disait ça. Parce que j'aimerais ça qu'on mette l'accent sur Christ. Dans la façon qu'on va le déclarer, puis que il dit, je sais que c'est ça, mais je veux que l'accent soit mis sur Christ. Et je suis d'accord avec la façon qu'il a apportée. Ça m'a touché. C'est pas parce que ça m'a touché là que je suis d'accord, mais c'est parce que c'est ça. À cause de Christ, et je regarde toute chose comme de la boue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui comme de la boue là en bon français là? La boue. Ok, choisissez le mot que vous voulez là. Mais c'est de la merde, là, OK? C'est une ordure, complètement. C'est quelque chose qui vaut plus rien. Mais c'est vrai, cela, là. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et la raison pour laquelle, il dit, pour qui j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Son but, c'est Christ. Et notre but, c'est Christ. Avec toutes nos faillites, tous nos manquements, tout ce qu'on peut trouver de pourri puis d'erroné en nous, notre but, c'est Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Fait que ce qui drive, ce qui anime notre frère quand il communique ce que l'Esprit de Dieu lui met à cœur, c'est regarder, ça vaut la peine de s'offrir un sacrifice complet, de viser la sainteté, la maturité spirituelle, de s'aimer les uns les autres, coûte que coûte, à cause de Christ. OK? Et il dit, je cours vers le but. C'est de remporter la victoire, le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens, on a vu que Dieu nous a appelés. On a reçu l'appel qui vient du ciel d'appartenir à Christ, de le servir pour l'éternité, pour la louange de la gloire de Dieu. Je sais pas qu'est-ce que la date ça vous dit ou qu'est-ce que de quelle manière vous. Vas-y, Christian. Oui, OK. OK. D'accord. Verset 12, 26. Oui. Si on dit mon but c'est lui, si on fait ça ensemble, on suit Jésus-Christ, on est en train de servir sa bonne volonté. Je suis d'accord. Amen. Le but se concrétise. C'est bon, je veux le. À la suite de Jésus-Christ, comme Jésus est un peu, il est venu en ayant de la haine pour la propre vie dans le monde. Parce que ça devient un but. C'est vrai, tu as raison. Non, c'est bon, ça aide. Donc, Jean 12, 26, 25, 26, que j'ai lu tantôt, ceux qui n'ont pas entendu à l'autre bout peut-être. Jésus dit, celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, ici, on dit, OK, gagner Christ, c'est peut-être juste théorique et abstrait pour nous. Mais Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Donc, gagner Christ, c'est servir Christ maintenant. De façon bien concrète, là. Ça résume, Christian? Ça va? OK. Oui. C'est bon. En plus, là, dans Jean 12, on va y revenir au fil des mois, là, du voulant, là, parce qu'on est dans Jean. Mais en même temps, là, c'est un moment charnière où vraiment, c'est le temps là où le Seigneur, c'est la fin, là. T'sais? Puis son âme est troublée, parce que l'heure est venue, là. OK? Donc, il y a un lien entre la soif du Seigneur, puis aussi nous, la façon qu'on le suit. OK, mais là, je ne veux surtout pas rester au niveau juste, je veux dire, théorique, là, parce qu'on pourrait rester là. Mais en même temps, si on est d'accord avec la brève définition des mots, okay, que notre avenir, notre futur, le futur de notre ministère, notre service est basé sur des buts dictés par la parole de Dieu, qui sont intentionnels, qui sont dignes d'un grand Dieu. Ce qu'on explique en disant ça ensuite, on dit on cherche, c'est-à-dire par une relation intime avec Dieu, on cherche à voir où est-ce que Dieu est déjà actif et nous à s'ajuster à lui. OK, c'est important. Donc, on reste à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a amenés ensemble en 2001 pour réfléchir, pour constater notre état, premièrement, parce qu'il y a eu ça, une constatation de notre état, Seigneur, voilà où est-ce qu'on est en ce moment. Il nous a amenés à le réaliser. Et quand il nous ramène ensemble dans la parole de Dieu, particulièrement, c'est lui qui nous amène, c'est lui qui choisit les personnes autour de la table, c'est lui qui choisit, qui dirige nos discussions, c'est lui qui dirige tout, là. Joseph, quand il est rendu en Égypte, est-ce que c'est ses frères qui l'ont envoyé en Égypte ou c'est Dieu? Vous êtes sûr de ça? Parce que Joseph dit à ses frères, longtemps après, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Vous êtes sûr que c'est Dieu? Parce qu'il y a des hommes qui pensent que c'est ses enfants, que c'est ses frères. Les frères pensent que c'est vraiment eux. Joseph leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Amen, tout à fait. C'est vrai. C'est vraiment Dieu. Et en fait, Dieu, il donne deux rêves à Joseph. Joseph dit ses rêves à son père et ses frères. Et ce qui est spécial, c'est qu'eux, ils en donnent l'interprétation, tu sais. Il dit un jour, quoi, tu dis que tu vas régner sur nous, tu sais. Il venait de donner l'interprétation. Dieu a mis ça dans le cœur de Joseph. Et qu'est-ce qui est arrivé au moment où ses frères se sont présentés devant lui? C'est écrit noir sur blanc, vous irez lire. Joseph s'est souvenu des rêves qu'il avait faits. Ça veut dire que quand Dieu a donné ces rêves-là à Joseph, puis là, je l'avais vu dans la parole de Dieu le temps, mais c'est-tu 20 ans? C'est plus ou moins, un peu moins que 20 ans, je pense. Je suis pas certain, là. 15 ans? 13, c'est ça? Quand il se dévoile à ses frères, tout ça. Il part, quand il reçoit les rêves, puis quand finalement il se souvient, regardez ce qui se passe entre le temps, de tout ce temps-là. Bras droit de Potiphar, va en prison injustement à cause de la femme de Potiphar, sort de la prison. Ah non, entre-temps, il dit à deux hommes de « Oubliez-moi pas, les gars, là, quand vous sortez de la prison, parlez de moi au roi, tu sais. » 3 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, il y a un qui est mort, l'autre, il oublie, puis tout à coup, ah, dans une discussion, « J'ai oublié de te dire quelque chose, Pharaon, roi, tu sais. » Joseph sort, comme par hasard, alors qu'il y a une famine, tu sais. C'est plein d'hasard, hein, c'est drôle, hein. Et puis là, il arrive... Et Dieu, non, Pharaon, mais non, c'est Dieu. Dieu élève Joseph. Fait que le but de Dieu, est-ce que c'est Joseph? Est-ce que le but de Dieu, c'est Jacob? C'est quoi le but de Dieu? Est-ce que ce qui arrive, l'épisode dans la citerne pour Joseph, est-ce que c'est juste Joseph qui est dans la citerne? Point à la ligne, on a une belle histoire. C'est quoi le but de Dieu? Il veut former un peuple. Il veut, à travers ce peuple-là, faire naître son Fils, le roi de l'humanité, le roi de l'univers, le Seigneur des Seigneurs. OK? Fait que, qu'est-ce que Dieu veut faire à travers chacune de nos vies puis à travers l'Église? Il veut manifester Jésus-Christ. C'est pas Geneviève et Michel et Daniel, c'est Jésus-Christ que Dieu veut manifester. On dit que Jésus est Seigneur et Jésus veut manifester qu'il est Seigneur dans notre vie. Il veut manifester qu'il est Seigneur dans l'Église. Ça, c'est parmi nous que je veux dire. C'est ça qu'il veut manifester, le Seigneur. Ni plus ni moins. Quand tu donnes des directives avec tes fils, Omar, là, tes fils, ils doivent reconnaître que tu es leur père, non? Si tu leur donnes, c'est parce que je suis ton père, tu sais. Je suis ton père. Je te dis ce que tu as à faire. Est-ce que tu crois que je suis ton père? Je suis en train de manifester à ton cœur que je suis ton père. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te pose une réponse, c'est un exemple, tu sais. Puis je te chicane pas. Mais c'est quand même ça. Il est mon père. Notre Père. Notre Père. Merci, Christian. Non, mais Dieu, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. OK. Donc, quand Dieu lui-même, si on est d'accord que c'est Dieu, c'est pas l'initiative d'un homme de nous rassembler, puis d'arriver avec quelque chose qu'on a pondu, qui est pas parfait, mais qui reflète ce que Dieu nous a communiqué selon sa volonté, puis qu'à travers ça, il nous fait parcourir des années et des épreuves, mais qu'il nous met à cœur vraiment de persévérer. C'est ça le miracle. Parce que nous avons souffert ensemble. Nous avons vécu différentes épreuves jusqu'à dernièrement. Et nous vous avons déclaré, les anciens, nous voulons suivre Christ. C'est la face de Dieu qu'on cherche. C'est sa volonté. Et tous ensemble, nous cherchons la volonté de Dieu. C'est ça qu'on cherche. C'est Jésus qu'on veut suivre. Mais vous savez, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est à contre-courant. Ce qui est dommage, c'est à contre-courant même des églises qui s'appellent évangéliques aujourd'hui. C'est à contre-courant. Suivre Christ, c'est difficile. C'est pas de bon mot. C'est que c'est à contre-courant de la pensée humaine, ça je veux dire. Je suis pas en train de juger, là. Pense pas que je porte un jugement, là. Mais c'est ça qui se passe. Vous savez, dans vos propres vies, vous regardez votre propre vie à l'égard de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur déclare, puis vous pouvez voir qu'il y a des failles, tu sais. Fait que, ajoutez ça. Ajoutez la tradition, ajoutez tout ce qui vient avec ça, ajoutez des décennies, des blessures, des manques de foi, de l'incrédulité, donc. Ajoutez tout ça. Un manque d'obéissance. Ultimement, un manque d'amour. Ajoutez ça, puis regardez le portrait que ça donne. Ils ont fait une erreur dans le passé, bien que Dieu est souverain, plusieurs siècles passés, quand il déclare des églises d'État et toutes sortes de choses comme ça. Dieu est souverain. Qu'est-ce que Dieu fait? Il distingue son peuple. Il veut que son peuple se distingue à cause de son nom. Fait que, mais là, on déclare ça, puis c'est vrai. En même temps, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et c'est quoi la finalité? Le but, c'est la finalité. Et dans le même passage ou le même épître, il dit, être avec Christ, c'est ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais s'il plaît à Dieu que je reste là encore pour vous, c'est ce que Paul disait, je vais rester. Mais même entre nous, la finalité, c'est quand même être avec Christ, là. Fait que quand on vient au début de l'année, puis on vous dit, OK, mes frères bien-aimés, voilà ce qu'on constate de ce que Dieu fait parmi nous. On n'a pas dit, voilà ce qu'on va faire. On dit, voilà ce qu'on constate que Dieu fait. Et on ne va pas se fermer les yeux. On ne veut pas faire ça. On constate ce que le Seigneur fait. Et il nous semble qu'il pointe vers une direction. C'est ça qu'on dit. On ne dit pas on fait ça. Mais, et on veut être à l'écoute du Seigneur. On veut tous l'être. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en parle ensemble. On en parle ensemble. pour qu'on arrive ensemble à la conclusion que c'est vraiment ça que tu veux, Seigneur. C'est là que tu nous conduis. Ma femme et moi, on fait ça. La femme de Christ, la femme de Jésus, l'épouse de Christ, avec lui, elle fait ça. Pourquoi? Parce que on cherche les buts que Dieu dicte, puis que l'Esprit, on veut voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Et ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est là qu'on veut se joindre. Comme Jésus dit dans Jean 5, « Mon Père travaille, moi aussi je travaille. » Il dit « Je fais ce que mon Père fait. » Mais c'est pareil pour nous. Fait que notre expérience, j'achève avec ça, là, l'expérience qu'on a de Jésus-Christ ensemble, elle a de la valeur. Elle a de la valeur, puis on montre qu'elle a de la valeur dans notre obéissance collective ensemble avec le Seigneur. Mais aussi d'être capable de faire ces pas-là, même si c'est difficile, même si tout autour de moi me dit non, c'est pas ça, c'est ça que tu devrais faire, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens. Est-ce que je suis trop abstrait, théorique, les frères anciens, les autres, vous les voyez ajouter, préciser? Moi, je serais pas capable de te la redire exactement, là. Ben, juste demander, est-ce que c'est trop abstrait, trop théorique? Vas-y, que Jean. Oui, vas-y. Je décide, une décision que nous prenons, c'est ça. Oui. Tout à fait. Oui. Oui, c'est ça. Mais le prix à payer, dans le fond, c'est de renoncer à ce à quoi moi je suis attaché, ce que moi je désire. C'est simplement ça. En fait, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Ce que je veux, ce que Dieu veut. Tu sais, Dieu, il fait exprès, il le dit dans Galates. Il dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Puis il dit, il le veut comme ça. Il se fait exprès pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est écrit, ça. Donc, si c'est pas ce que nous voulons, c'est ce que le Seigneur veut. Vas-y, Luc. C'est Jacques, c'est ça? Daniel, vas-y, Daniel. De faire ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux, mettons. Ah, OK. C'est que dans le fond, l'Esprit de Dieu, Dieu dans sa parole, puis Dieu dans notre cœur, ce que lui veut, c'est contraire à ce que moi je désire vraiment personnellement. OK? C'est contraire à ce que nous, notre nature, en tant qu'humains pécheurs, on désire. Ce que Dieu veut, c'est autre chose. Quelqu'un peut aider Daniel? Être plus précis? OK. C'est un peu plus clair, Daniel? Ça t'aide un peu? On marche? Un peu d'avoir un exemple de Josué, tout ça, puis c'était pas là, mais c'est sûr que Josué ne voulait pas être dans l'esprit. Il ne savait pas qu'est-ce qui venait par la suite. Vous pouvez imaginer toutes sortes de fins épouvantables. Mais lui, il savait que c'était une étape nécessaire. ouais. Bien parce qu'il est ouais, c'est bon. D'autres interventions?